Le père de Sainte Thérèse par Céline. Sa mortification et son humilité. L'esprit de pénitence de mon père s'étendait à tous les domaines. À notre arrivée à Lisieux, ce fut d'abord la question du pain qui dérogeait à nos habitudes alençonnaises. Nous y trouvâmes ce qu'on appelait le pain mollet, c'est-à-dire tendre comme celui de jadis, et le pain brillé très compact et dur comme la pierre. Au début, mes sœurs aînées lui donnèrent du pain mollet, mais bientôt, il voulut du pain brillé, parce que celui était un sacrifice et que c'était le pain des pauvres. Avec le recul du temps, je constate combien était grande notre inexpérience de jeune fille. En faisant connaissance avec de nouveaux légumes ou des sauces dont j'ignorais la recette, je me suis dit souvent « Si j'avais donné cela à papa, combien je lui aurais fait plaisir ?» Alors j'ai noté ce qui avait été inaperçu pour moi autrefois, que jamais il ne nous avait fait de réflexion sur ce qu'on lui donnait, si c'était bien ou mal apprêté et qu'il se garda toujours d'indiquer un mets qu'il eût préféré. Il était, en effet, si oublieux de lui-même que, s'il avait été seul, je crois qu'il n'aurait fait ni feu ni cuisine et se serait contenté d'un peu de charcuterie et de fromage. Au Buissonnet, bien qu'il n'aimât pas le jardinage, il le considérait comme un devoir. Lorsque, l'été, nous lui apportions une boisson rafraîchissante, qu'il n'aurait jamais demandée, il fallait, si c'était en carême, d'essayer d'aimer pour la lui faire accepter. Nous déployons alors toute notre éloquence pour lui assurer que ce léger soulagement ne rompait pas le jeûne et que c'était le bon Dieu qui le lui envoyait. Chaque année, au vendredi saint, il se couchait sans souper. Toujours à cause de notre défaut de sens pratique, nous n'avions point songé à mettre des rideaux à son cher belvédère, sans doute parce qu'il avait un vitrage en couleur, cependant qu'orienté au midi, il devenait une étuve en été. Il n'en demanda pas, mais maintenant je m'explique pourquoi, en temps de canicule, il descendait chercher asile ailleurs, plutôt que de se plaindre. Ne le voyant pas fumer la cigarette comme notre oncle Guérin, nous lui dîmes un jour « Pourquoi donc, papa, ne fumes-tu pas la cigarette comme tous les messieurs ? Ne faut-il pas se mortifier un peu ?» fut sa réponse, avec un bon sourire. Certainement encore par austérité, il ne croisait pas les jambes, évitait de prendre une pose trop aisée ou délassante, et pourtant, rien de guindé dans ses manières. Tout en lui était simplicité, sans nulle recherche. Comme l'écrira Thérèse, il était doué d'une distinction naturelle. Jugement amplifié encore par Marie dans ses notes personnelles, papa était très beau et d'une distinction naturelle rare. Allure de chevalier, disait quelqu'un qu'il avait connu. Mais essentiellement humble, il ne désirait pas briller, ni entretenir des relations mondaines. Aussi, nous plaignions la famille Guérin, astreinte, à l'occasion du premier de l'an, à de multiples visites et réceptions. Au sujet du choix qu'il avait fait de la toute première messe, celle de 6 heures, quand il était seul, comme nous lui en demandions le pourquoi, il répondit simplement « Parce que c'est la messe des pauvres et des ouvriers ». Pour la même raison, il voyageait en 3e classe et parce que c'était moins confortable. Pour lui, tout était toujours assez bon, et je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu murmurer une seule fois contre ce qui pouvait lui advenir de fâcheux. Il faut bien dire que nous admirions pareille abnégation chez notre mère si oublieuse d'elle-même, elle aussi. Que de fois je la vis préparant avec soin le petit déjeuner familial, y mettant même de la recherche et se contentant pour elle d'une grosse soupe, prise debout, à la dérobée. Aussi, je partage le sentiment de Marie, notre aînée, qui, sur un ton des reproches à son endroit, s'exclame dans ses notes intimes. Et moi qui ai reçu de tels emprunts de bien, qui ai vu sous mes yeux des vertus pousser jusqu'à l'héroïsme. Chez mon père. La tendance à la mortification et à l'humilité ne fit que croître avec l'âge. Marie devait s'efforcer de modérer ses pénitences. Elle lui déroba, un jour, la vie des pères du désert qu'elle lui avait imprudemment prêtée et qui l'excitait dans ce sens. Licence Creative Commons CC 3.0F. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique. markendanarchive.org. D'après, phpbbserver.com/forum michael/monique.